Chapitre 16e, une violation de domicile. Pendant une soirée glaciale du mois de janvier, Carlyle et sa sœur se trouvaient ensemble dans un des salons d'East Lynne. La scène du dehors formait un singulier contraste avec celle de l'intérieur. Ce foyer de lumière et de chaleur, ce magnifique tapis éclairé par les reflets du feu, ces meubles d'un goût parfait, d'un aspect et d'un usage si confortable, et les flots de lumière que laissait tomber un brillant candélabre, tout offrait l'image de la paix et du bonheur. Au dehors, la neige tombait en flocons épais et énormes, au point que l'atmosphère avait perdu sa transparence et qu'on ne pouvait voir à trois pas autour de soi. Les enfants étaient couchés et l'institutrice s'était retirée dans sa petite chambre. Le calme régnait dans toute la maison. Carlyle était plongé dans la lecture d'une revue. Cornélie, assise à l'autre côté du feu, grondait, grognait, soufflait et soupirait. Mademoiselle Carlyle était une de ces âmes fortes qui ne savaient pas être malades. Sans doute, si la fièvre scarlatine, la paralysie et l'épilepsie lui eussent assailli, elle aurait dû s'avouer vaincue. Mais de légers malaises, le mal de tête, la grippe, le mal de gorge, qui s'attaque au vulgaire, n'osaient jamais l'atteindre. Quelle ne fut donc pas son exaspération quand elle sentit son cerveau embarrassé, sa poitrine endolorie et sa voix qui lui faisait défaut, quand en un mot elle se vit enrhumée ainsi que le commun des mortels. « C'est cette maudite bière » s'écria-t-elle d'une voix rauque. « Comment la bière ? » fit Carlyle en abandonnant son livre. « Eh bien oui, la bière, c'est la bière, parbleu, et vous n'avez pas besoin de me regarder de cet air ébahi comme si je disais que c'est la lune. » « On ne s'enrhume pas en buvant de la bière, à moins qu'ayant très chaud, vous n'en ayez pris un grand verre. » Cornélie haussa les épaules. « Tenez, vous me faites pitié, Archibald. Vous serez toujours un enfant pour la raison. Quand donc m'avez-vous jamais vu boire un grand verre de bière? Voyons, les deux derniers barils que nous avons eus en Perse n'ont-ils pas été détestables? Oui, après ?» demanda l'avoué. « Eh bien, cela provenait tout bonnement de la manière dont on les avait mis en Perse. Les domestiques sont si maladroits. » Aussi, quand Pierre est venu m'annoncer ce matin qu'on allait entamer un nouveau baril, je me suis dit « Veillons un peu à cela !» Et je suis descendu de cette chambre, qui est chaude, à la cave, qui est froide, et j'y suis resté pendant plus de 20 minutes. Comprenez-vous à présent ? Faut-il donc 20 minutes pour percer un baril ? Cornélie haussa de nouveau les épaules. « Non, répliqua-t-elle, non, il ne faut pas 20 minutes quand tout est en ordre. Mais rien n'est en ordre dans cette cave, c'est un vrai chaos !» Carlyle jugea prudent de ne pas continuer ses observations. S'il lui avait dit qu'il n'avait pas à se mêler de ces détails de la maison, et que c'était là l'affaire de Pierre, elle aurait fait une nouvelle sortie contre lui. Il se tut et reprit sa revue. Cornélie pestait et grondait, poussait sa chaise dans le feu, puis la reculait et gesticulait des pieds et des mains, en proie à la plus mauvaise humeur. « Quelle heure peut-il être ? » demanda-t-elle. « Il est 9 heures, » répondit Carlyle en regardant sa montre. « Je vais me coucher alors. Quand je serai au lit, on m'apportera une tasse de gruau chaud, ou plutôt un lait de poule. »« C'est cela, Cornélie, cela vous fera du bien. » »« On m'a communiqué un remède excellent contre le rhume. »« Lequel ? » ?»« Prenez un jupon de flanelle, pliez-le en 2 ou 3, et enveloppez-vous en la tête sans vous priver pour cela de votre bonnet de nuit. »« J'en prendrai note, » fit Carlyle avec un rire irrévérencieux, « et je vous conseille ma sœur d'en faire l'essai. » Cornélie se retira en souhaitant le bonsoir à son frère. Il continua sa lecture, termina l'article qu'il avait commencé, puis il jeta le livre sur la table, se leva et se détendit les bras comme un homme las d'être assis. Il fit ensuite flamber le feu et se tint debout, le dos appuyé contre le manteau de la cheminée. « Neige-t-il encore ?» se demanda-t-il. Il alla à la porte vitrée et, écartant l'une des portières, il ne vit au dehors qu'obscurité et ténèbres. Il ouvrit la fenêtre pour mieux se rendre compte du temps qu'il faisait. La neige tombait plus vite et plus épaisse que jamais. Mais ce ne fut pas là ce qui produisit en lui l'impression de surprise et même d'effroi momentané qu'il ressentit. Une main venait de toucher la sienne, un visage s'était approché du sien. « Monsieur Carlyle, pour l'amour de Dieu, laissez-moi entrer. On est à ma piste, sur mes traces peut-être. » Carlyle reconnaissait cette voix. Il recula machinalement en proie à 1000 sensations pénibles. « Fermez la porte !» murmura l'inconnu en pénétrant dans la chambre. C'était Richard Hare. Carlyle ferma la porte vitrée, fit retomber la portière, puis il courut mettre le verrou aux 2 autres portes. Pendant ce temps, Richard ôtait sa vieille soutane, ses faux favoris et son large chapeau. « J'arrive de Londres, » balbutia le pauvre garçon, qui tremblait de froid. « On est à ma piste, monsieur Carlyle. Les limiers de la justice ont été lancés sur moi par ce misérable Thorne. »« Voyons, lui dit Carlyle, approchez-vous du feu, car vous me semblez gelé. »« Merci, monsieur, merci. Mais écoutez-moi. Il y a une quinzaine de jours, me trouvant à la station des voitures du West End, et tandis que je causais avec un cocher, je vis passer devant moi un monsieur et une dame. Il commençait à pleuvoir. Ils montèrent dans une voiture de place. J'aperçus alors la jeune dame. Elle était charmante. Je m'approchai, voulant également voir le monsieur. Quel coup de foudre pour moi! C'était Thorne en personne! En vérité, vous doutiez que je puisse le reconnaître ce fameux soir au clair de lune, mais là, en plein jour, il n'y avait pas à s'y méprendre. Je le regardai en face. Il me rendit regard pour regard, puis il pâlit et devint plus blanc que cette neige. Était-il bien mis? Vêtu à la dernière mode. Oh, sa position saute aux yeux, c'est un habitué des salons de l'aristocratie. La voiture se mit en route et je sautai derrière. Le cocher, me prenant pour un polisson, s'apprêtait à me faire lâcher prise au moyen de son fouet, mais je lui fis un signe qu'il comprit. Nous nous arrêtâmes presque au bout de la rue. Je sautai à terre avant que Thorne ne fût descendu et je le regardai de nouveau, et de nouveau, il pâlit. Je remarquai la maison dans la pensée qu'il y demeurait. Mais vous auriez dû le faire arrêter sur le champ, interrompit l'avoué. Sur quelle preuve, monsieur Carlyle? Je n'en avais pas une seule. Je crus cependant que je pourrais apprendre son vrai nom, et dans la soirée je me rendis à cette maison, et je liai conversation avec un domestique qui se tenait à la porte. « Est-ce que le capitaine Thorne demeure ici ?» lui demandai-je. « Non, c'est M. Wassleby qui demeure ici. »« Ah, c'est là sans doute le nom qu'il se donne, pensais-je en moi-même. »« C'est un homme assez jeune, n'est-ce pas ? Sa femme est très jolie. » »« Assez jeune ? Vous plaisantez. Mon maître a 60 ans passés et sa femme a le même âge. » Ceci me coupa la parole. « Bref, M. Carlyle, je ne peux rien savoir. » Le domestique m'apprit qu'il était venu plusieurs visites dans la journée parce que son maître relevait d'une longue maladie. « Et c'est là tout ce que vous avez pu obtenir, Richard ?»« Au bout d'une semaine, je le rencontrai encore. C'était la nuit, il sortait d'un théâtre. Je m'approchai de lui. « Que voulez-vous? Qu'avez-vous à me guetter sans cesse ?» me dit-il avec colère. « Je veux savoir votre nom. » À ces mots, il entra en fureur et jura que si je revenais jamais rôder ainsi autour de lui, il me ferait jeter en prison. « Et n'oubliez pas, » ajouta-t-il d'un ton de voix significatif, « que l'on ne jette pas un homme en prison parce qu'il en guette un autre. » « Je vous connais, et si vous tenez à votre peau, ne vous trouvez plus sur mon chemin. » Ce disant, il monta dans une voiture qui disparut aussitôt. J'eus le temps cependant de remarquer qu'il y avait des armoiries sur le panneau de la voiture. Et quand cela est-il arrivé? Il y a une semaine. Depuis lors, je n'ai pris aucun repos, et je n'ai cessé de faire tout ce qu'il est humainement possible de faire pour découvrir son nom et sa demeure. Je le rencontrai enfin une troisième fois. Il marchait vite, bras dessous, avec un autre monsieur. Il fixa sur moi un regard irrité, puis s'adressant à un policeman, il lui parla à voix basse, mais avec précipitation, tout en me signalant du doigt. J'eus peur et je m'esquivai. 2 heures plus tard, me trouvant dans un autre quartier, je tournai la tête et je reconnus ce même policeman qui me suivait encore. Je me mis à courir de plus en plus fort, je fis quelques détours et j'arrivai dans une rue où stationnait une berline. Je grimpai sur le siège à côté du cocher et je parvins sain et sauf à mon logement. Je le croyais du moins. Mais en regardant dans la rue, j'y vis encore l'homme de la police, posté juste en face de ma demeure et prenant note du numéro de la maison. Sans perdre un moment, je me hâtai de tirer de ma malle mon déguisement. Je l'endossai et je pris la fuite par une porte dérobée. Mais pourquoi avez-vous choisi West Line pour lieu de refuge? On a déjà ébruité la nouvelle de votre dernière visite ici, et cette nouvelle est même arrivée jusqu'aux oreilles de votre père. Que pouvais-je faire? Il me fallait de l'argent. Je vais me fixer dans quelques villes populeuses, loin de Londres, à Liverpool ou à Manchester. Je tâcherai d'y découvrir quelque emploi, mais en attendant, il me faut quelque argent pour vivre. Je n'ai pas un sou, ajouta-t-il en retournant ses poches. J'ai faim, car je n'ai rien mangé de la journée. Et voilà plus d'une heure que j'attends à votre porte. En vérité, les 2 rideaux de cette fenêtre, continua-t-il, ne se touchaient pas complètement et laissaient un intervalle par lequel je pouvais vous distinguer, vous et mademoiselle Carlyle. J'ai vu votre sœur s'en aller, je vous ai vu venir ouvrir la porte vitrée, et c'est alors que je me suis précipité ici. » Comme il disait ces derniers mots, quelqu'un frappa à la porte. « Ne craignez rien !» murmura tout bas l'avoué, en remarquant combien Richard paraissait effrayé. « Personne ne peut pénétrer dans cette pièce, d'ailleurs, cela doit être Pierre, mon domestique. » Une voix se fit entendre, ce n'était pas celle de Pierre, mais celle de Joyce. « Mademoiselle Carlyle m'envoie chercher son mouchoir qu'elle a oublié sur la table, » disait cette voix. « Je suis occupé en ce moment, » répondit l'avoué. « Vous ne pouvez pas entrer. » « Qui est-ce ? » demanda Richard tout tremblant, tandis que Joyce retournait auprès de sa maîtresse. « C'est Joyce. »« Comment ? Elle est encore ici ? » ?»« Et avez-vous eu des nouvelles d'Affy ? » ?»« Affy est venue ici elle-même, il y a 2 ou 3 mois. »« Vraiment ? » reprit Richard. « Et que fait-elle ? » ?»« Elle est en place comme femme de chambre. » Je l'ai questionné sur le comte de Thorne, et il m'a protesté de la manière la plus solennelle que ce n'est pas Thorne qui a tué son père, que ce ne pouvait pas être lui, vu qu'il se trouvait auprès d'elle au moment du crime. « C'est faux, je le jure !» interrompit Richard. « Ne jurez pas ainsi !» continua l'avoué. « Vous n'avez pas vu de vos propres yeux. Pourquoi alors s'est-il enfui comme il l'a fait de la maison d'Ali John ? Pourquoi était-il si effrayé ? Écoutez, monsieur Carlyle. Je ne suis pas aussi bête qu'on le pense, et je sais raisonner tout aussi bien qu'un autre. Si Thorne n'est pas l'assassin, quel motif a-t-il alors à me persécuter ? Qu'a-t-il à démêler avec moi ? Pourquoi pâlit-il si subitement chaque fois qu'il me voit ? Richard raisonnait avec assez de bon sens. « Ce n'est pas tout, » continua-t-il en s'animant par degrés. « Affy, dites-vous, assure que Thorne était avec elle au moment du meurtre. Mais vous devez vous rappeler, monsieur, qu'elle a juré pendant l'enquête qu'elle était seule alors, seule dans le bois, derrière la chaumière. » Ce fait avait complètement échappé à la mémoire de l'avoué, sans quoi il n'aurait pas manqué de relever cette contradiction et d'en demander l'explication à Affy lors de son entrevue avec elle. « Maintenant que ma passion pour Affy s'est dissipée, poursuivit Richard, je vois tous ses défauts et je m'aperçois qu'elle ne recule pas plus devant le mensonge que moi devant. » Il fut interrompu par un roulement de coups de poing exécutés avec une merveilleuse énergie sur les vantaux de la porte. On eût dit que la maison s'écroulait. Richard, les yeux s'élançant de leur orbite, les cheveux dressés sur la tête, endossa rapidement sa blouse et se couvrit de son chapeau sans oublier les faux favoris. Puis d'un air tout effaré, il chercha une armoire pour se cacher. Ne voyant rien, il courut à la cheminée et posa un pied sur l'un des chenets. Il était évident qu'il songeait à grimper dans le tuyau, bien que la flamme eût sans doute peu ménagé ses culottes et le reste, car là elle le retint de sa main puissante. « Voyons, Richard, rassurez-vous, il ne peut vous arriver aucun mal ici. C'est sans doute ce policeman de Londres qui en amène 12 autres à sa suite, » balbutia le pauvre garçon. « Ne craignez rien, vous dis-je, c'est tout simplement Cornélie. Elle, mais empêchez-la d'entrer alors !» ajouta Richard, dont les dents claquaient toujours. « C'est impossible, vous connaissez son caractère. » Ce qu'elle veut, elle l'obtient. » Carlyle comprenait qu'il serait inutile d'essayer de parlementer à travers le trou de la serrure. Il entr'ouvrit donc la porte, de façon seulement qu'il pût sortir, sans toutefois laisser entrer Cornélie. Puis il la referma rapidement et se trouva face à face avec la fureur de la cariâtre dame. Mais disons comment et pourquoi elle avait cru devoir venir déranger son frère à cette heure. Après être montée à sa chambre à coucher, elle avait commandé son lait de poule, et avait ensuite entrepris les apprêts de sa toilette de nuit. Débutant par la tête, elle s'était coiffée de l'étrange bonnet de coton que nous avons déjà signalé au lecteur. Puis, songeant à la flanelle, elle en prit une pièce d'une longueur de 3 mètres et s'en construisit un turban conique qu'elle plaça par-dessus le bonnet. Mais avant d'arriver à ce résultat, il lui avait fallu du temps et de la patience. Cornélie n'était assurément pas belle, mais elle possédait l'art de s'enlaidir encore. Cette nuit, elle avait vraiment l'air d'un épouvantail à chenevière, avec cet immense cornet de flanelle dont les coins qui pendaient aux 2 côtés de son visage rappelaient assez bien les gracieuses oreilles d'un éléphant. Or, pendant ses préparatifs, avant toutefois que l'édifice fût achevé, car avec de telles oreilles elle n'aurait pu entendre, Cornélie crut ouïr certains sons de voix partant de la pièce située au-dessous de celle où elle était. Elle pensa tout d'abord que son frère s'amusait à lire tout haut, mais bientôt elle en jugea autrement. « Qui donc peut être avec lui à 7 heures ?» se demanda-t-elle. Elle sonna Joyce qui accourut aussitôt. « Il y a quelqu'un avec votre maître » fit-elle. « Personne, madame. Je vous dis qu'il y a quelqu'un. J'ai entendu parler. » « Je n'ai vu entrer personne. Cela tient à ce que vous avez la berlue. Voyons, dépêchez-vous et allez voir qui c'est. J'ai laissé mon mouchoir sur la table. Vous me le rapporterez. » Joyce alla s'acquitter de ce message et Cornélie, pendant ce temps, se préparait à entrer dans son lit. Elle avait ôté sa robe et son jupon lorsque Joyce revint auprès d'elle. « Vous aviez raison, madame. Il y a en effet quelqu'un avec monsieur, mais je n'ai pas pu pénétrer dans la chambre, car l'on avait mis le verrou, et monsieur m'a dit qu'il était occupé. » À l'ouïe de ces paroles, la folle du logis se mit chez Cornélie à battre la campagne. il n'était pas venu de visite, du moins elle n'avait rien entendu. Elle se mit donc à passer en revue tous les hôtes de la maison, et en vint à conclure que ce ne pouvait être que Mademoiselle Manning, l'institutrice, qui avait eu l'effronterie de s'enfermer ainsi avec son frère. La pauvre institutrice était jolie, et Mademoiselle Carlyle s'était donné mille peines pour écarter elle et sa beauté des regards de son frère. À la hâte, elle s'empara du premier objet venu et le jeta sur ses épaules afin de ne pas attraper froid. C'était un morceau de serge verte. Elle s'en drapa, descendit les marches 4 à 4, et ce fut dans ce costume excentrique qu'elle se présenta devant son frère. « Qu'y avez-vous là, dans cette chambre ? » demanda-t-elle d'un ton bref. « C'est une personne avec qui j'ai affaire, et vous ne pouvez entrer pour le moment. »« Taisez-vous ! » crie la vieille fille de sa voix rauque. « C'est une indignité, vous, un homme marié, qui avait des enfants, vous que je croyais un saint. » Carla, elle était superbe d'étonnement. « Je saurais bien la faire déguerpir de cette chambre. C'est une honte, Archibald. Vous devriez rougir. Voyons, ôtez-vous de là et laissez-moi lui communiquer mes impressions sur sa conduite. » Jamais Carlyle n'eut plus envie de rire, et pour mettre le comble au dépit de Cornélie, devinez qui parut soudain à ses yeux. L'institutrice elle-même. « Tiens, » fit Cornélie, quand Mademoiselle Manning fut partie, « je la croyais pourtant avec vous. »« Qui, quoi ?» demanda l'avoué. « Vous croyez l'institutrice renfermée avec moi ? Est-ce que le rhume vous a troublé la cervelle, Cornélie ? Enfin, mon frère, il n'en est pas moins vrai que vous cachez quelqu'un dans cette pièce. Qui est-ce ? Il faut que je le sache. » Et en parlant ainsi, elle poussa la porte de toute la force de ses deux bras. « Si vous persistez à vouloir entrer, s'écria l'avoué, entrez, mais je vous en préviens d'avance. Ne vous attendez pas à trouver dans cette chambre matière à rire. Ce n'est pas une femme que vous allez voir, mais un homme. » Un pauvre homme qui s'est précipité dans cette maison pour échapper au limier qui le traque. Ne devinez-vous pas son nom ? C'était maintenant le tour de Cornélie d'ouvrir de grands yeux. Ses lèvres ridées s'entr'ouvrirent aussi comme pour parler, mais elles se refermèrent sans rien dire. « Cet homme, poursuivit Carlyle, c'est votre parent, c'est Richard Hare. » Elle demeurait silencieuse, consternée. Tout à coup, cependant, elle sortit de son engourdissement et de nouveau, elle revint à la charge pour que la porte lui fût ouverte. « Ma sœur, fit observer l'avoué, vous avez là un costume peu présentable. »« Eh, qu'importe ! » répliqua-t-elle vivement. « Pensez-vous que je vais faire des cérémonies avec lui, avec un garçon à qui j'ai autrefois administré le fouet plus de 10 fois par jour ? Allons donc !» Carlyle crut devoir la laisser faire. Il ouvrit la porte et le recommanda de mettre le verrou dès qu'elle serait entrée. Quant à lui, il pénétra dans la chambre voisine, ayant appelé Pierre, il lui ordonna de mettre 2 couverts sur la table et d'apporter de quoi boire et de quoi manger. « Je désire être seul, » poursuivit Carlyle, « et que personne ne vienne me déranger. Dès que vous aurez servi, vous irez vous coucher. »« Très bien, monsieur, » répliqua le domestique. « Prendrez-vous du jambon ?»« Oui. »« C'est que, voyez-vous, si c'est monsieur Dill qui va souper avec vous, je sais qu'il en est très friand. »« Eh bien donc, servez le jambon, puisque monsieur Dill l'aime tant. » Cette petite ruse de l'avoué eut pour résultat que Pierre courut à la cuisine annoncer l'arrivée du vieux Dill, ce qui détourna complètement les soupçons qu'auraient pu former les gens de la maison touchant ce souper à deux. Carlyle retourna auprès de Richard. Il le trouva debout en face de sa sœur, tous deux se regardant encore avec 2 grands yeux. Richard avait eu, dans la classe qu'il fréquentait, maintes occasions de voir des dames à la mise bizarre et fantasque. Mais il n'en avait jamais rencontré dont l'extravagance approcha de celle de Cornélie. Jamais Hogarth n'a mis en face l'une de l'autre 2 pareilles caricatures. Souliers noirs, bas noirs, jupons de flanelle descendant à mi-jambe, châle inouï de serge verte avec franges capricieusement inégales, turban fantastique de laideur. Telle était, ce soir-là, la gracieuse Cornélie. Veste de bure aux boutons incomplets, blouse retroussée par derrière, chapeau informe, favori énorme, main tremblante, air épouvanté, tel était Richard Hare. « Quel motif peut vous amener ici ? Vous avez donc perdu la tête ? » s'écria Mademoiselle Carlyle. « La police était à mes trousses. Elle allait mettre la main sur moi. » « La police est indulgente de n'avoir pas commencé plus tôt ses poursuites. Mais pourquoi venir ici ? Que voulez-vous que je fasse ? Où voulez-vous que j'aille ? « Oh, je mène une existence horrible. Je voudrais pouvoir mourir. »« C'est votre faute, parbleu. Vous ne devez vous en prendre qu'à vous seul. » C'est ainsi, avec cette bonté stoïque, que Mademoiselle Carlyle consolait Richard au moment où son frère revint se mêler à la conversation. « Où allez-vous loger cette nuit ? » ajouta brusquement la vieille fille. « Je n'en sais rien. répliqua-t-il tristement. « J'avais l'intention d'emprunter quelque argent à M. Carlyle et d'aller dans un hameau à 3 000 d'ici, où je serai en sûreté. »« Non, Richard, vous resterez ici, » interrompit Carlyle. « Je ne mettrai pas mon chien dehors par la neige qu'il fait. »« Vous n'y songez pas, mon frère, » interjeta Cornélie. « Quelle chambre pourrait-on lui donner? Les domestiques doivent ignorer sa présence. » Or, en tout ceci, Mademoiselle Carlyle était plus dure par ses manières que par ses sentiments. Le croira-t-on? Avant de prononcer ces paroles si inhospitalières, avant même que son frère eût exprimé son désir, elle avait discuté en elle-même, avec son activité ordinaire, les moyens de faire coucher Richard à la maison. « Il y a un fait certain, reprit-elle, c'est qu'il est de toute impossibilité que vous couchiez ici sans que Joyce en soit informé. Et vous êtes, Joyce et vous, à couteau tiré, puisqu'elle vous croit l'assassin de son père. « Laissez-moi lui parler, je saurai la désabuser, la convaincre. » « C'est cela, » fait Carlyle, « je vais aller trouver Joyce et la préparer à cette entrevue. » Se disant, il quitta sa chambre, ayant tapé Joyce, il lui fit signe de le suivre dans son petit cabinet de travail. « Joyce, » commença-t-il, « vous n'avez pas oublié sans doute combien vous étiez convaincue que votre sœur Affy avait suivi Richard. Vous avez depuis peu acquis la certitude que vos soupçons étaient erronés. C'est vrai, monsieur. Maintenant, Joyce, je tiens à vous tirer d'erreur sur un autre point. Qu'est-il survenu de nouveau, monsieur ? Joyce, j'ai la conviction que Richard n'est pas l'assassin de votre père. Oh, monsieur, s'écria la servante, que sa prévention aveuglait. Richard, je le répète, n'est pas plus coupable que vous, moi. Il y a des années que je n'ai acquis la certitude. Mais alors, monsieur, quel est donc le meurtrier ? C'est l'autre amant d'Affy, Thorne. Et c'est là votre conviction, dites-vous ? Oui, mon intime conviction est depuis bien longtemps déjà. Mais, monsieur, si Richard est innocent, pourquoi s'est-il enfui ? Pourquoi s'est-il caché ? Ah, pourquoi ? C'est là la cause de tout le mal. Son crime à lui, c'est la peur. Il a cru qu'il ne pourrait jamais se justifier et il n'a pas voulu l'essayer. Tenez, Joyce, vous devriez le voir et l'entendre lui-même. Cela me paraît impraticable, monsieur, car il n'est guère probable qu'il se hasarde à revenir ici. Vous vous trompez, Joyce, il y est en ce moment. Comment ? S'écria Joyce d'un air stupéfait. Ici, dans cette maison ? Oui, il s'est réfugié en ces lieux pour quelques heures seulement. Notre devoir est de lui donner l'hospitalité. Venez lui parler. Plus l'entrevue réclamait de mystère et de silence, plus elle offrait de troubles et de confusion. Richard s'exprimait avec véhémence, Joyce multipliait les demandes sans attendre les réponses, et Cornélie, à elle seule, faisait autant de bruit que d'eux ensemble. Carla, elle seule, ne disait rien. Joyce dut se rendre aux protestations solennelles de Richard Hare, et ses soupçons planaient maintenant sur le capitaine Thorne. « Songeons maintenant à lui donner un abri pour cette nuit, » interjeta Mademoiselle Carlyle. « Je ne vois qu'un endroit où il puisse coucher, c'est le cabinet près de ma chambre. »« Cela n'est pas possible, madame, » fit remarquer la servante. « Vous savez que la clé en est perdue. »« Tant mieux, il n'en sera que plus en sûreté. »« Mais pour y entrer, il faudra donc qu'il passe par votre chambre. »« Eh bien, quel mal voyez-vous à cela ?»« Oh, du moment que vous n'y voyez aucun inconvénient. »« Et pourquoi, s'il vous plaît, n'y passerait-il point ? » ?»« Pensez-vous que je m'inquiète, monsieur Richard Hare ?» « Vous êtes bien simple. Un grand gaillard à qui j'ai donné le fouet et à qui je le donnerai volontiers encore. D'ailleurs, assurez-vous, mademoiselle Joyce, je tirerai mes rideaux dès que je serai couché. » Ce point arrangé, Cornélia alla se mettre au lit et Joyce alla préparer celui de Richard. Richard se mit à table pour souper et Caroline lui fit faire chair lit. Un peu plus tard, Joyce vint annoncer que la chambre était prête. Richard se leva, souhaita le bonsoir à Carlyle et suivit la servante à pas de loup. Ils traversèrent ainsi la pièce où couchait Cornélie. La bonne dame avait baissé avec soin les rideaux de son lit. On ne pouvait donc la voir, mais en revanche, on l'entendait parfaitement, car elle ronflait autant qu'il est permis de ronfler. Joyce, après avoir indiqué à Richard la chambre qu'il devait occuper, se retira en fermant la porte. Pauvre garçon, puisse-t-il trouver quelque repos pendant cette halte que lui laissent faire les limiers de la justice ?